c'est combien la loque? Dis-moi combien y'a de chevaux. Rien n'a changé sauf la longueur de mes cheveux et moi. En vrai, je suis souvent sous, en vrai, je suis souvent seul. C'est vrai, des fois ça pue, mais tout est sous contrôle et j'ai tué le match de triplé avant la mi-temps. Fais pas le grand, c'est très bien que t'es un clip. Enfoiré, j'ai perdu ton salaire du mois dans mon VIP. Enfoiré, y'a pas un qui connaît pas t'offre dans la ville. Plutôt fort en calcul que des chiffres dans la tête. Ici c'est pas la croisière, on s'amuse, tu dois on fait ta fête, on passera temps. Tu veux savoir combien on ramasse, combien nous n'y de fois c'est pas sous web à on vit des trucs de malade. Notre grandeur de Nice, un team à bagaille. Et ça devient important si ça fait bosser au Malias. Du coup tu veux voler pas sous web à gaille. Rien ça peut pas qu'un carnage. J'ai jamais fait autour de moi, team à bagaille. D'un petit, je veux pas de poulet dans mes potes. On arrive en équipe, on prend tout, on s'échappe. Elle aime faire des bêtises quand c'est deux, jambes j'ai qu'un. Scalope dans le jean, tout est impeccable. J'ai vu trop de raclos enculés, aujourd'hui plus rien ne m'étonne. Mon joint de weed est bien roulé, je suis avec Titoff au dom-tom. La neuzo est bien quadrillée, la focus a fait chou blanc. La neuzo est bien quadrillée, la focus a fait chou blanc. Pas pitié comme un pote, j'ai le cœur bousillé. Deux, trois billes dans la chop, c'est bon tout y est. Pas pitié comme la prof, j'ai le cœur bousillé. Pour m'en sortir, je vois la dope, putain de bousillé. Tu veux savoir combien on ramasse, combien nous n'y de fois c'est pas sous web à Gaëlle.